maître des opérations, l'expert en la matière. Deze tiki sakira. Ningalinga zali kino kia tabaka ninga inshora makoyo kanzani. Donato kala. Balinga zano kula kimu bange soki siye kangiyo. Boko koko bina nango zemba. Nisini. Dudu balu. Marako ba mama ye. Kalen ba jema mama se. Yoko prefere zana tamo turu kuye. Zaba kuna maka ba ugoze ba ye bite. Ima balu. Balinga zale lo ye kisini bala kita no. Laetitia Monangani, Aurélie Malila, sous le Botoko. Hugues Golondelet, monsieur le maire, héritier Kastongo. Dani Tambuka. Mon amour, c'est amour, aimé amour, allez amour, Didier. Mon amour, elle est née pendine à ma vie. Didier Franck. Elle est née pendine à ma vie. Bouliondela. Elle est née pendine à mon amour. Fabro Fabrega. Mon amour plein de magie. Gloria Ndagabuana. À la vitesse idéale. Jean-Jacques Bozy, les consuls suspects. Vous n'aurez pas d'excellence dans le paradis. Viens-le tout m'allier, viagra de moi, l'India comme un papa. Viens-le tout m'allier, viagra de moi, l'India comme un papa. Attrape ton verre, regarde ton combat, la crevette, salive le tout.